Chapitre 9e. Après avoir accompagné Marie-Bastien jusqu'à sa voiture, le docteur Dufour remonta chez lui et trouva son ami toujours accoudé sur la barre de la fenêtre où il demeurait pensif. Au bruit de la porte qui se referma, David, sortant de sa rêverie, vint au-devant du médecin qui lui dit tristement, en parlant de Madame Bastien et faisant allusion à la scène dont tous deux venaient d'être témoins : Ah, pauvre femme, pauvre mère! « Tu as raison, Pierre, » reprit David. « Cette jeune femme me semble bien à plaindre. »« Oui, et plus à plaindre encore que tu ne le penses, car elle ne vit au monde que pour son fils. Juge ce qu'elle doit souffrir. Son fils, on dirait son frère. Elle paraît avoir 20 ans à peine. Ah, mon cher Henri, les habitudes d'une vie agreste et solitaire, l'absence d'émotions vives, car les inquiétudes que lui cause son fils datent seulement de quelques mois. » Le calme d'une existence aussi régulière que celle du cloître conserve longtemps dans toute sa fraîcheur cette première fleur de jeunesse qui te frappe chez Madame Bastien. Elle s'est donc mariée bien jeune, à 15 ans. « Mon Dieu, qu'elle est belle !» reprit David après un moment de silence. « Mais belle surtout de cette beauté, à la fois virginale et maternelle, qui donne aux vierges mères de Raphaël un caractère si divin. Vierge mère, tu ne crois pas si bien dire, Henri. Comment ?» En deux mots, voici l'histoire de Madame Bastien. Elle t'intéressera. Et tu emporteras du moins un touchant souvenir de cette charmante femme. Tu as raison, mon ami, ce me sera dans mon voyage un doux sujet de méditation. Marie Fierval, reprit le docteur, était fille unique d'un assez riche banquier d'Angers. Plusieurs opérations malheureuses le mirent dans une position de fortune assez précaire. Il était alors en relation d'affaires avec un homme nommé Jacques Bastien, qui se livrait à une spéculation assez commune dans nos pays. Il était marchand de terre. Marchand de terre ? Il achetait dans certaines localités des lots de terre, considérables, et les revendait ensuite en les fractionnant, afin de les rendre accessibles aux très petits cultivateurs. Je comprends. Jacques Bastien est, comme moi, natif de cette petite ville. Son père avait amassé une belle fortune dans son étude de notaire. Jacques était son premier clerc. À la mort de son père, Bastien se livra aux spéculations dont je te parle. Lors de la gêne de M. Fierval, chez qui il avait quelques fonds placés, il put, en lui laissant disposer de ses capitaux, lui rendre un grand service. Marie avait alors 15 ans. Elle était belle comme tu l'as vue, et élevée ainsi que peut l'être la fille d'un avaricieux de province, c'est-à-dire habituée à se regarder comme la première servante de la maison et à en accomplir à peu près tous les grossiers emplois. Ce que tu me dis là me surprend beaucoup, Pierre. Rien de plus facile que de juger en un instant de la distinction des manières d'une femme et chez Madame Bastien. Il n'y a rien, n'est-ce pas, qui sente une éducation presque grossière. Non, et bien plus, il est impossible de s'exprimer d'une façon plus touchante et plus digne que ne l'a fait cette jeune femme dans la position presque pénible où elle s'est trouvée tout à l'heure vis-à-vis de moi. C'est vrai, et je m'en étonnerais comme toi si je n'avais été témoin de bien d'autres métamorphoses chez Madame Bastien. Elle fit donc, étant toute jeune fille, une assez vive impression sur notre marchand de terre pour qu'un jour il me dit « J'ai envie de faire une grosse bêtise, celle d'épouser une très jolie fille. Seulement, ce qui pallie un peu ma bêtise, c'est que cette très jolie fille est sotte comme un panier, mais ménagère de premier numéro. Elle va au marché avec la cuisinière de son père. Elle fait les confitures dans la perfection et n'a pas sa pareille pour repriser le linge et les bas. » 6 semaines après, Marie, malgré sa répugnance, malgré ses prières, ses larmes, subissait l'inexorable volonté de son père et devenait Madame Bastien. Et M. Bastien savait la répugnance qui l'inspirait ? Parfaitement. Cette répugnance n'était d'ailleurs que trop justifiée, car Bastien, qui a maintenant 42 ans, était, et est encore au moins aussi laid que moi. Mais hélas, que je n'ai pas, une constitution de taureau. C'est de ces gens formidables qui n'ont pas de cheveux, mais une crinière. Non une poitrine, mais un poitrail. Figure-toi l'Hercule Farnèse, avec beaucoup d'embonpoint, car Bastien est un mangeur féroce. Joint à cela une incurie de sa personne qui va jusqu'à la malpropreté. Voilà pour le physique. Quant au moral, c'est un gaillard retors et madré comme un homme de loi de province. Il est possédé d'une idée fixe, incessante. Faire une grosse fortune et devenir député lorsqu'il ne sera plus, dit-il, bon à rien. Qu'à cela. Sortez-le de ses spéculations. Il est ignare, brutal, fier de l'argent qu'il amasse et ne tarit pas en plaisanteries grossières. car s'il n'est pas précisément bête, il est prodigieusement sot, très enclin à l'avarice. Il se croit fort libéral envers sa femme en lui donnant une servante, un jardinier maître Jacques, et un cheval de labour hors de service pour la conduire à la ville. La grande et seule qualité de Bastien est d'être, les trois quarts du temps, en route et hors de chez lui pour ses achats de terre. Lorsqu'il revient dans sa demeure, ferme qu'il a été obligé de conserver ensuite d'une opération malheureuse, il s'occupe de se faire valoir, sort dès l'aube pour surveiller ses cultures, déjeune au champ, revient à la nuit, soupe largement, boit comme un chantre, et souvent s'endort ivre sur la nappe. « Tu as raison, Pierre, » reprit tristement David. « Cette pauvre femme est plus malheureuse que je ne le croyais. Quel mari pour une si charmante créature. Mais ces gens, qui ainsi que M. Bastien n'ont à peu près que les appétits de la brute, joints à l'instinct de la rapacité, ont au moins parfois l'amour excessif de la femelle et de leurs petits. M. Bastien aime-t-il, du moins, sa femme et son fils ? Quant à sa femme, je t'ai dit que la comparaison de Vierge-Mère était, à ton insu, d'une singulière justesse. Voici pourquoi. Le surlendemain de son mariage, Bastien, qui m'a toujours poursuivi de sa confiance, me dit, de son air de bœuf surpris et courroucé, « Ah ça, tu ne sais pas que si j'écoutais ma bégueule de femme, je resterais maintenant toute ma vie mari-garçon. » Et il paraît qu'en définitive, il en a été ainsi, car faisant allusion à sa première et unique nuit de noces, Bastien m'a souvent dit d'un air profond, « C'est bien heureux que j'ai eu un enfant cette nuit-là, sans cela, je n'en aurais jamais eu. » Puis, dans sa colère de se voir rebuté, il a voulu punir la pauvre Marie de l'invincible répugnance qui lui inspirait et dont il n'avait pu triompher après avoir tout tenté, tout, entends-tu bien, Henri, tout, jusqu'à la brutalité, jusqu'à la violence, jusqu'au coup, car une fois ivre, cet homme ne se connaît plus. « C'est infâme ?»« Oui. » Et il répondait à l'indignation de mes reproches. « Tiens, c'est ma femme, j'ai mon droit et la loi pour moi. Je ne me suis pas marié pour rester garçon. Ce n'est pas une gringalette comme ça qui me fera céder. » Et pourtant, ce taureau sauvage a cédé, parce que la force brutale ne peut rien contre le dégoût et l'aversion qu'une femme éprouve, surtout lorsque cette femme est douée, comme Marie Bastien, d'une incroyable énergie de volonté. Au moins, elle a su courageusement échapper à l'une des plus atroces humiliations que puisse imposer un pareil mariage. Et cet homme, dis-tu, s'est vengé de l'inexorable aversion qu'il inspirait. Voici comment. Il avait d'abord eu l'intention de s'établir à Blois. La résistance de sa femme changea ses projets. « Ah, c'est comme cela, » me dit-il. « Eh bien, elle me le paiera. J'ai une ferme délabrée, près de Pontbriand. Cette sotte bégueule n'en sortira pas. Elle y vivra toute seule avec 100 francs par mois. » Et il en a été ainsi. Rempli de courage, de résignation, Marie a accepté cette existence pauvre et solitaire que Bastien lui rendit aussi pénible que possible. Jusqu'au moment où il a pris la grossesse de sa femme, alors ce brutal s'est un peu radouci. Il a toujours laissé Marie à la ferme, mais il lui a permis d'y faire quelques changements bien peu coûteux qui, cependant, grâce au goût naturel de Madame Bastien, ont transformé en un riant séjour l'habitation la plus désagréable du pays. Puis, peu à peu, la douceur angélique, les rares qualités de cette charmante femme, ont eu quelque influence sur Bastien. Quoique toujours grossier, il a fini par être moins brutal et par prendre son parti de sa vie de mari-garçon. « Mon ami, me disait-il dernièrement, je suis né coiffé, ma femme vit, et je n'en suis pas fâché. Elle est douce, patiente, économe, car excepté pour la dépense de la maison et son entretien, je ne lui donne pas un sou, et elle s'en contente. Elle ne met pas le nez hors de la ferme et ne s'occupe que de son fils. Après cela, ma femme mourrait que je n'en serais pas non plus fâché, car tu conçois, être mari-garçon, ça vous force d'avoir des allures, et ça coûte, sans profit pour le ménage. » Ainsi, que ma femme vive ou qu'elle meure, je n'aurais pas à me plaindre. C'est ce qui me faisait te dire que j'étais né coiffé. Et son fils ? Demanda David de plus en plus intéressé. L'aime-t-il ? Bastien est un de ses pères qui ne conserve la paternité que toujours rébarbative, colère et grondeuse. Aussi, dans ses rares séjours à la ferme, et quoiqu'il s'occupe beaucoup plus de l'élève de son bétail que de son fils, il trouve toujours le moyen de se courroucer contre son enfant. Qu'est-il arrivé ? C'est que Bastien ne compte, pour ainsi dire, pas du tout dans la vie de sa femme et de son fils. Et à propos de l'éducation de ce Frédéric, il faut que je te cite une autre de ces métamorphoses admirables que l'amour maternel a opérées chez Madame Bastien. « Tu ne saurais croire, Pierre, » fit David avec une curiosité croissante, « tu ne saurais croire combien tout ceci m'intéresse. »« Et que diras-tu tout à l'heure ?» reprit le docteur. Il poursuivit ainsi. « Jeune fille de 15 ans, élevée comme je te l'ai raconté, Marie Bastien n'avait reçu qu'une éducation incomplète, et même grossière, tranchons le mot. La pauvre enfant, à l'époque de son mariage, était d'une ignorance complète, d'une intelligence non pas bornée, mais que rien jusqu'alors n'avait ouverte. Lorsqu'elle se sentit mère, une merveilleuse révolution s'opéra en elle. Devinant la grandeur des devoirs que lui imposait cette maternité, désormais sa seule espérance de bonheur, Marie, désolée de son ignorance, se donna pour tâche d'apprendre en 4 ou 5 ans tout ce qui lui serait nécessaire pour entreprendre elle-même l'éducation de son enfant qu'elle ne voulait confier à personne. C'est admirable de courage et de dévouement maternel, s'écria David. Et cette résolution ? Cette résolution fut vaillamment accomplie, malgré 1000 obstacles. Ainsi, à 15 ans et demi qu'elle avait, Marie Bastien, pour s'instruire, sentit la nécessité de prendre elle-même une institutrice. Au premier mot de ce projet, Bastien la traita de folle. Loin de se rebuter, elle insista, et finit même par trouver d'excellentes raisons à lui donner, entre autres celle de l'économie, disant que pour 2000 francs par an, elle aurait une institutrice qui lui enseignerait en peu d'années tout ce qui serait nécessaire à l'éducation d'une fille ou à l'éducation d'un garçon, jusqu'à l'âge de 13 ou 14 ans. Sinon, comme elle était décidée, disait-elle, à ne pas se séparer de son enfant, il faudrait faire venir à la ferme des professeurs de Pontbriand ou même de Blois, ce qui rendrait l'éducation fort coûteuse. Bastien, après calcul et balance de frais, trouva que sa femme avait raison, et se rendit à ses désirs. Heureusement, Marie trouva, dans une jeune institutrice anglaise, un trésor de savoir, d'intelligence et de cœur. Miss Harriet, c'était son nom, digne en tout d'apprécier ce rare exemple de dévouement maternel, se voua donc, corps et âme, à la mission qu'elle acceptait auprès de Madame Bastien. « Non, » dit David, ému jusqu'aux larmes par le récit du docteur. « Non, je ne sais rien de plus touchant que cette jeune mère de 15 ans. » Jalouse de donner elle-même à son enfant la vie de l'intelligence, se livrant ainsi opiniâtrement à l'étude. « Que te dirais-je, mon ami ?» poursuivit le docteur. « Admirablement servi par ses facultés naturelles, qui se développèrent rapidement après 4 ans de travaux, qu'elle poursuivit ensuite toute seule, en s'occupant constamment de son enfant. La jeune mère acquit des connaissances solides en littérature, en histoire, en géographie. Devint assez bonne musicienne pour pouvoir enseigner la musique à son fils, connut assez la langue anglaise pour le familiariser avec cet idiome, et sut enfin ce qu'il fallait de dessin pour mettre Frédéric à même de dessiner d'après nature. Il profita merveilleusement de ses leçons, car il est peu d'enfants de son âge, qui est un savoir plus solide, plus varié. Aussi, par son esprit, par son cœur, par son caractère, faisait-il l'orgueil et la joie de sa mère, lorsque soudain un changement étrange s'est manifesté chez lui. L'entretien du docteur et de son ami fut interrompu par la vieille servante qui, s'adressant à son maître, lui dit « Monsieur, l'on vient vous avertir que la diligence pour Nantes doit passer à 6 heures et l'on vient chercher les bagages de Monsieur David. Bien, faites-les porter, je vous prie, » répondit Henri David à la servante, « et veuillez dire que l'on me fasse prévenir lorsque la voiture s'arrêtera pour relayer. Oui, Monsieur David. » reprit la servante, et elle ajouta avec une expression de naïf regret, « C'est donc bien vrai que vous nous quittez, mon bon monsieur David ?» puis se tournant vers le docteur, « Et vous, monsieur le docteur, vous laissez donc partir votre ami ?»« Tu l'entends ?» dit monsieur Dufour en souriant tristement, « Je ne suis pas le seul à me chagriner de ton départ. »« Croyez-moi, Honorine, » dit affectueusement David à la vieille servante, « quand on quitte un ami tel que Pierre, » et une hospitalité que vos soins ont rendue si bonne, c'est que l'on obéit à une impérieuse nécessité. « À la bonne heure, monsieur David, » dit la servante en s'éloignant, « mais c'est bien triste tout de même. On s'habitue si vite aux braves gens comme vous. »